RMC Motors avec Motors TV, Laurent Frédéric Bollet. Début de la deuxième heure de Motors avec un invité qui nous a rejoint, qui sera donc avec moi tout au long de cette deuxième heure. C'est Philippe Séclier, le rédacteur en chef d'Auto Hebdo. Salut Philippe. Bonjour. Merci d'être là. On va baliser un petit peu toute l'actualité des sports mécaniques, toi et moi. Cela étant, tu penses bien qu'on va largement parler de ce magnifique Guide F1 2010 Auto Hebdo. Tout nouveau, tout beau. Il est disponible depuis cette semaine. Oui, depuis mercredi jusqu'au 15 mars, quasiment jusqu'au Grand Prix de Bahreïn. Oui, et ben écoute, on le feuilletera ensemble d'ici quelques minutes et j'ose vraiment dire que c'est un superbe numéro. Il y a beaucoup de choses à lire et beaucoup de choses à apprendre. Tu sais que j'ai deux scoops dans l'émission aujourd'hui. Tu étais peut-être en route pour venir me rejoindre, tu les as pas entendus. J'ai annoncé deux scoops dont tu vas profiter pour le prochain numéro d'Auto Hebdo. Alexandre Bourdet est né. Bon, ça, on va dire, c'est pas, mais enfin, c'est affectueux et ça nous fait bien plaisir et ouais. Tout s'est bien passé. La maman est en pleine forme et le papa, bien évidemment, Sébastien est content. Et puis, Marco Andretti, au départ des 24 heures du Mans, grâce à Rébellion Racing. Alexandre Péchy, le patron, le copropriétaire de Rébellion Racing, nous l'a annoncé en exclusivité. Marco Andretti rejoindra donc Nicolas Prost, Neil Gianni, Jean-Christophe Bouillon, Andrea Bellicchi et Guy Smith au sein de cette équipe Rébellion. C'est quand même un énorme coup, hein. Oui, puis c'est un nouvel Andretti au départ du Mans, puisque la famille a déjà été présente dans la Sarthe. Voilà, donc une info qui va faire parler d'elle, je n'en doute pas. Philippe, tu restes avec moi et tu vas servir aussi de grand témoin. Et on va recevoir deux invités dans cette deuxième heure. On va commencer tout de suite avec Guillaume Moreau. Guillaume, tu es là ? Oui, bonjour. Ouais, salut Guillaume, on prend régulièrement de tes nouvelles, en tout cas on essaye. Et je te remercie vraiment de te rendre disponible. Surtout que, sans vouloir trahir un secret, aujourd'hui, tu as une petite obligation familiale. C'est un baptême, c'est ça ? Exactement, c'est pour ça que j'ai un peu... Le temps est compté, mais oui. Bon, c'est pas un problème. Allez, tu nous accordes 5-10 minutes? Il n'y a pas de problème. Bon, bah en tout cas, merci à toi. Alors, c'est vrai qu'on a pas mal parlé endurance depuis le début de l'émission. Je te cache pas que Emmanuel Collard est venu nous parler en début d'émission. Il était de retour de Sebring où il a fait des essais avec sa nouvelle équipe Corvette. Il y a Alexandre Péchy, donc le patron de Rébellion Racing, qui nous annonce que Marco Andretti rejoint Jean-Christophe Bouillon et Guy Smith, entre autres. Bon, bah on continue de parler endurance et on continue de parler avec un pilote qui sera au départ des 24 heures du Mans. C'est bien toi, on est d'accord. Exactement, hein. C'est vrai que bon, bah, tout le monde veut faire le Mans. Pour un pilote français, c'est très très important. C'est une des plus grandes courses au monde. Pour ma part, ça fait trois années que je l'ai fait. Je voyais pas le futur, honnêtement, sans l'endurance, sans les 24 heures du Mans. Donc, je peux que remercier Auk Racing et son propriétaire et pilote d'ailleurs, Jacques Nicollet, ainsi que François Sicard, le directeur général de l'équipe, de m'avoir fait confiance sur 2010. Et puis, on va essayer de faire en tout cas le maximum pour faire de bons résultats. Je pense qu'honnêtement, ils ont beaucoup évolué depuis 2009. Tout va dans le bon sens. Et moi, je crois beaucoup en cette équipe, pas seulement qu'en 2010. Je crois beaucoup sur le futur. En termes, c'est un peu ce que je recherchais. Mmh. Donc voilà, je dirais que maintenant, j'ai encore réussi à faire une pige l'année dernière en monoplace. Oui. C'est une voiture fantastique. Mais bon, après, honnêtement, pour tout le monde. Là, tu parles des World Series by Renault. Exactement, mais bon, que ce soit le GP2 ou la World Series, honnêtement, bon, après, il faut aller en F1. Il n'y a plus de débouchés possibles, je dirais, à part partir aux États-Unis et faire un peu d'IRL. Donc, il fallait vraiment arriver en endurance. Et je pense qu'il y a beaucoup de pilotes dans moi, mais beaucoup d'autres qui peuvent remercier, je dirais, un peu cette nouvelle discipline qui arrive en force, qui s'appelle l'endurance. Ah oui. Alors, Guillaume, 26 ans, hein, tu auras bientôt 27 d'ailleurs, le 8 mars prochain. Je vais quand même rappeler que bah, tu as suivi, on va dire, un peu les échelons classiques. Tu as été en Formule Renault, tu as terminé 3e en 2004. La F3 Euro Series, tu as quand même signé une victoire dans cette prestigieuse discipline. En World Series by Renault, tu as aussi signé une victoire, donc c'est pas donné à tout le monde. Tu as été champion LMS en GT1 avec Luc Alphand en 2008, donc beau palmarès. Mais donc, tu le dis, maintenant, c'est l'endurance. Oui, c'est l'endurance parce que pour moi il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le futur et puis tout le monde a vraiment hâte et il met tout son cœur pour essayer de briller notamment au 24 heures du Mans. Donc après une très belle je dirais année 2008, c'est vrai, avec l'équipe de Luc, après avoir remporté le titre sur ma première année en GT, je voulais vraiment continuer dans ce sens-là. Bon, malheureusement sur l'année 2009, l'équipe de Luc a connu quelques problèmes financiers, qui m'a contraint et poussé à arrêter mon programme, le FIA GT, qui correspond au championnat du monde, alors qu'on était troisième. Donc c'est vrai que j'étais globalement déçu, et c'est là où j'ai trouvé d'ailleurs refuge chez Auk Racing, voilà, l'année dernière en 24 heures du Mans, et tout est parti d'ici. aussi. Comme quoi, je dirais chance ou malchance, on ne peut jamais savoir. Oui, alors, Oak Racing, on précise O-A-K hein, en majuscule, c'est comme ça que ça s'écrit. L'an dernier, tu étais avec Mathieu Lahaye et Karim Ajlani, avec une Pescarolo Mazda catégorie P2. Bon, tu as abandonné, hein, malgré tout. Quel avait été le bilan tiré de cette première expérience avec cette équipe ? Alors, malgré tout, honnêtement, ça avait été vraiment très positif. Vous savez, bon, c'est vrai qu'on dit souvent dans la course automobile, seul le résultat compte, ce qui est vrai. Mais humainement, j'ai rencontré une équipe fantastique. Je pense qu'on avait vraiment un assez bon potentiel. Alors, il est vrai que ce moteur Mazda, avec le préparateur à air, n'était pas au top, honnêtement. Il manquait de fiabilité, il manquait aussi cruellement de performance. Donc, tout est possible, hein, mais il faut du temps. Voilà, l'équipe a jugé que c'était peut-être plus judicieux. Et on demandait la confiance de Mazda à les laisser choisir un peu leur motorisation pour 2010, ce qui était le cas. C'est pour ça qu'ils sont passés avec un Jed. On a fait les premiers essais, on a fait un check-down à Manicourt, on a fait des essais pneumatiques avec Dunlop parce que l'équipe est une équipe de développement pour Dunlop. Tout s'est très très bien passé, on n'a pas eu un seul problème mécanique, une très grosse fiabilité. Bon, la performance, c'est trop tôt pour dire quoi que ce soit, parce que tant qu'on n'a pas eu nos petits camarades à côté, je dirais que c'est globalement difficile, mais honnêtement, sur le papier, ça paraît beaucoup mieux. Oui, alors attends, donc, cette année, c'est moteur Judd, hein, en revanche, on est d'accord donc. Exactement, c'est un Judd. Oui, donc c'est pas plus mal, on est bien d'accord. Ben, sur le papier, ça paraît beaucoup mieux. Moi, je dirais qu'AER, bon, j'avais connu AER aussi chez Courage en 2007 quand j'avais commencé. C'était pas non plus, ça respirait pas vraiment la fiabilité. Je dirais que quand on veut continuer, il faut donner du temps, mais tout le monde n'a pas le temps de passer 3-4 ans à développer les choses et voilà, tout ça coûte de l'argent et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui veulent aller à l'essentiel et trouver directement, je dirais, un bon compromis. Donc, un châssis Pescarolo avec un moteur Judd en P2, les équipages, on ne les connaît pas encore, mais je pense que ça va être pas mal. Bon, je dirais que sur le papier, on a tout pour réussir. Bon, on est d'accord. Alors, ton programme cette année, tu fais quoi exactement comme course ? Alors, comme course, c'est très simple. Le programme, je dirais, ça va être Le Mans Series. Oui. Forcément la course phare, les 24 heures du Mans. Oui. Après, on va sûrement faire, quelques courses en plus. C'est trop tôt pour dire quoi que ce soit parce que tout n'est pas encore planifié. Vous savez, en ce moment, beaucoup d'équipes veulent rouler, mais n'ont pas encore la certitude de ce qu'elles vont faire à 100% sur toute l'année 2010. Donc, il faut laisser un peu de temps au temps, mais je pense honnêtement qu'on ne s'arrêtera pas au Le Mans Series au 24 heures du Mans. D'accord. Le Mans Series avec notamment la fameuse course des 8 heures du Castellet. On est bien d'accord. Ça va être un beau rendez-vous. Alors, exactement. Bon, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Pourquoi 8 heures ? Je ne sais pas du tout. Tout le monde commençait à comprendre que Le Mans Series, c'était 1000 km. Là, maintenant, ils ont été mettre une course de 8 heures. Honnêtement, c'est pas plus mal parce qu'il y a plus de roulage. Oui. C'est sympa. Bah écoute, peut-être parce que 10 heures c'était pris par Petit Le Mans et 12 heures par Sebring. Il restait le cap des 8 heures peut-être à symboliser. Voilà, c'est ça. Exactement. Je sais pas pourquoi. Bon, faudra arriver au bout en tout cas. Ouais, voilà, hein, ça sera l'objectif. Bon, bah Guillaume, je te remercie vraiment de t'être rendu disponible pour nous. Et puis on va vraiment te suivre attentivement tout au long de l'année. Un bon dimanche à toi, mais à très bientôt, j'espère. Merci, à très bientôt. Au revoir. Salut Guillaume. Allez, petite pause et puis on revient avec Philippe Séclier pour accueillir un nouvel invité dans Motors. Ça tout de suite. RMC, tout sport jusqu'à minuit. RMC Sport. RMC Motors avec Motors TV, Laurent Frédéric Bollet. Et notre invité pour cette deuxième heure, en studio du moins, c'est Philippe Séclier, le rédacteur en chef d'Auto Hebdo. Alors Philippe, on vient de parler avec Guillaume Moreau, mais là je vais compter sur toi pour m'aider, si j'ose dire, mais enfin en tout cas on va le faire ensemble, pour interviewer Serge Saulnier, que tu connais bien. Serge est là. Salut Serge. Bonjour. Merci Serge d'être en direct avec nous. Donc oui, il y aura double intervieweur, si j'ose dire, parce que Philippe s'est clié là, donc on va s'y mettre à deux pour vous poser quelques questions. Serge, ça vous dérange pas ? Non, ça ne me dérange pas. Je me doute bien que vous allez me passer sur le grill. C'est hélas un petit peu l'exercice parfois par lequel il faut passer. Mais enfin, vous allez très bien vous en tirer, Serge. Je ne suis pas du tout inquiet. En tout cas, la nouvelle qui vous concerne, Serge, et c'est pour ça qu'on voulait vraiment vous avoir, et merci de vous rendre disponible, c'est que vous êtes devenu, enfin vous l'êtes déjà, vous allez l'être d'ici quelques jours, je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes maintenant le président du directoire de la société du circuit de Nevers-Manicourt. Ça, c'est l'appellation, on va dire, officielle. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire si on veut résumer ? Vous devenez le patron de Manicourt, du circuit ? Bah, disons que je deviens le directeur du circuit, effectivement. Et comme juridiquement parlant, le circuit est dirigé donc par un directoire, ça fait partie des statuts. Ce directoire est composé de deux personnes qui sont nommées par un conseil d'orientation et de surveillance. Donc, en tant que membre, il y a Gilles Allégoette, voilà, qui est un ancien ingénieur de Formule 1 qui a travaillé pendant très très longtemps avec Guy Ligier, et moi-même qui a été nommé président de ce directoire. Bon, et c'est effectif déjà c'est effectif ou c'est dans quelques jours? Mon entrée sera effective à partir du 1er mars. J'ai été nommé le 11 février et je serai effectif au 1er mars. Et d'ailleurs, je continue avec Peugeot Sport jusqu'au 27 février. Je serai au Castellet cette semaine pour des essais. Alors, Serge, je me permets de saisir la perche au bon, ou la balle au bon plutôt. Alors par rapport à Peugeot Sport, vous allez quitter Peugeot Sport? L'un va pas aller sans l'autre. Je vais quitter Peugeot Sport. Ouais, les deux tâches ne peuvent pas se cumuler. Hein. Je veux dire, le poste de Manicourt demande une implication à 100%, et il n'était pas question que je continue sous une forme ou sous une autre avec Peugeot. Il fallait absolument que je fasse un choix. Bon, c'est un choix qui a été cornélien. Ça n'a pas été facile à prendre, mais bon, pour tout un tas de raisons, je dirais professionnelles, sentimentales, historiques et personnelles, j'ai souhaité revenir à Manicourt. Bon, j'ai toujours gardé mes attaches. Ma résidence principale était encore à Manicourt. Oui. Donc pour moi, ça représentait aussi au-delà du poste professionnel, ça représentait aussi beaucoup de choses à titre personnel. Bon, alors Philippe se pose peut-être aussi la question pour finir et clore le débat par rapport à Peugeot. Serge, ça se termine bien ou ça se termine moins bien que vous l'espériez? Ça se termine brutalement? Est-ce qu'on peut, dire quelque chose? Ça se termine bien? Pour moi, ça se termine très très bien. Je suis arrivé chez Peugeot Sport il y a 3 ans et demi, à l'origine du projet Endurance 908. On a avec toute l'équipe et Bruno Famin construit ce projet pour arriver à gagner les 24 heures du Mans en 2009. Donc pour moi, ça a été un parcours exceptionnel, et ça a été un parcours extrêmement enrichissant. J'avais dirigé mon entreprise pendant 25 ans, donc une petite équipe de 15 personnes, très familiale, etc. J'ai appris à fonctionner dans une grosse structure avec ses qualités et ses points faibles. Mais je dois dire que ça a été une période exaltante et enrichissante. Donc c'est vrai que j'ai aussi un peu le sentiment pour moi d'avoir bouclé la boucle. Et il est important, j'ai quand même déjà 57 ans, de me fixer des nouveaux challenges. Et quand j'ai été contacté par le conseil général de la Nièvre pour la possibilité de prendre ce poste, je dois dire que j'ai tout de suite envisagé, et je n'ai pas réfléchi très très longtemps pour accepter. Philippe Séclier. Bonjour Serge, rebonjour, parce qu'on s'est vu mercredi. Ouais. Alors, on se quitte pas. Non, mais bravo encore pour ta nomination, et surtout quand tu parles de nouveaux challenges, j'imagine que il y a le Grand Prix de France qui est dans la ligne de mire. Le faire revenir à Manicourt. Le problème, tout le monde me parle du Grand Prix de France. c'est sûr qu'il y a une très très forte attente à ce niveau-là, parce que tous les professionnels et tous les fans français sont vraiment très très malheureux que nous n'ayons plus de Grand Prix. Et je veux dire, la place de la France par rapport à l'industrie automobile française, par rapport à la sous-traitance française, je crois que la place, le Grand Prix de France a sa place dans le calendrier du championnat du monde de Formule 1. On est d'accord. Je veux dire, c'est pour moi une question d'image et de représentativité de toute notre industrie automobile. C'est pas simplement dire on a une compétition sportive qui est la Formule 1 qui se déroule sur notre territoire. C'est aussi l'image de l'industrie automobile française et de la représentativité et de la compétitivité de cette industrie automobile. Si on disparaît de ce calendrier, quelque part, on n'existe plus. On est résigné, on se referme sur soi-même et on court à l'abandon, on abandonne des pans entiers de cette industrie. Donc je pense que la France doit retrouver un Grand Prix, doit retrouver sa place au niveau du calendrier. Aujourd'hui, Bon, il est clair que, qu'il n'y aura pas de circuit sur Paris. Je veux dire, là-dessus, j'ai suffisamment d'informations, je dirais, crédibles et non pas d'intox ou de désinformation pour dire, en tout cas, dans les quatre années à venir, il n'y aura pas de circuit sur Paris. Et au-delà, compte tenu de l'environnement économique et politique, quel qu'il soit, bon, aujourd'hui on a un parti au pouvoir et même si demain on en a un autre, je ne pense pas qu'il est politiquement correct d'avoir et de reconstruire un nouveau circuit et particulièrement en Île-de-France. Bon, et économiquement, je n'en parle pas. Investir 300-350 millions d'euros sur un circuit, alors que nous en avons un peu partout en France et des très belles structures comme Le Mans, Manicourt ou Le Castellet, qui ont un rang international, je ne vois pas comment on va pouvoir justifier cela aujourd'hui, alors que on se plaint de ne pas avoir suffisamment de logements sociaux ou suffisamment de logements tout court. Donc vraiment, ça me paraît, il faut faire attention que certains beaux esprits parisiens ne se fourvoient pas et au travers de ça s'imaginent que eh bien, on va avoir un Grand Prix à Paris, on va continuer d'attendre ce Grand Prix à Paris parce qu'il va se passer beaucoup de temps. Et en attendant, si on reste 3 ans, 4 ans sans Grand Prix, on va disparaître. Philippe. Donc je dis aujourd'hui, il faut que le Grand Prix de France revienne. Et Manicourt est la meilleure option. Et Manicourt reste la meilleure option. Si on analyse les choses objectivement, nous sommes à 2 heures de Paris, nous sommes au centre de la France. 2h30. Non mais Serge, mercredi que l'autoroute, le bout d'autoroute était terminé, donc voilà, ça c'est une formidable nouvelle. Au mois de septembre, l'autoroute va être ouverte et va même au-delà de Manicourt, donc le tronçon qui manquait va être ouvert. Bernie va être content. Nous allons avoir une bretelle qui va sortir directement sur le circuit, aussi bien en venant de Clermont-Ferrand qu'en venant de Paris. Donc il n'y a plus de problème d'accès. Ah oui, mais alors les équipes, elles ne voulaient plus venir, je croyais. Hélas. Mais les équipes, elles voulaient plus venir parce que on leur disait que il y allait avoir quelque chose de magnifique, de superbe à Disneyland, à Flins, etc. Et ce magnifique espoir, il n'arrivera pas. Donc il faut prendre ce qu'on a, et ce qu'on a, je peux vous dire, j'en parlais avec un journaliste anglais là dans la semaine, qui ne comprend pas parce qu'il me dit mais je vois pas en quoi Manicourt, ça n'a rien de pire, c'est même mieux que Nürburgring, que la Hongrie ou par rapport à la piste ou par rapport aux environnements. Par rapport à l'environnement. Par rapport à l'accès. Et puis même oui, la piste, tous les pilotes l'aiment bien. C'est pas un circuit qui est très excitant pour les pilotes. Hein. Ouais, non, mais il y a des passages fabuleux à Manicourt, on est bien d'accord. Nürburgring et Imola, c'est génial. Au niveau des pilotes, on a toujours eu un excellent retour concernant Manicourt. Bon, on s'est plaint pendant un moment qu'il était difficile de dépasser. Bon, quand on voit certains grands prix, il est difficile de dépasser à peu près partout. Et ce qui fait le plus souvent l'intérêt d'un grand prix, c'est le changement de conditions d'adhérence et de conditions climatiques. C'est ce qui vraiment crée un scénario improbable et nous amène à avoir des grands prix très spectaculaires. Donc, autrement, je connais pas de circuit où il est facile de doubler. C'est plus un problème de voiture, de conception au niveau de l'aérodynamisme des voitures, qu'un problème de circuit en lui-même. Bon, alors cela étant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Manicourt soit amélioré quand même? Alors, l'autoroute, on en a parlé, ça va être bon. À l'intérieur même du circuit, c'est quoi qui est prévu quand même? Parce que j'imagine qu'il faut faire des choses. À l'intérieur du circuit, il a été fait une chose très importante cet hiver. Des travaux ont été entamés pour élargir la pit lane, donc toute la voie des stands. Ah bon? C'est quelque chose qui nous a été demandé par la FIA, par le délégué technique de la FIA, Charlie Whiting. Donc ces travaux seront terminés le 12 mars. Donc ce qui veut dire que le circuit détient sa licence d'homologation F1, ce qui veut dire que le circuit permet d'organiser un Grand Prix de F1 demain. C'est-à-dire que si, là je rêve, hein, parce que si nous sommes au calendrier 2011, on peut parfaitement organiser le Grand Prix en 2011. Techniquement parlant et en termes d'homologation, nous pouvons organiser le Grand Prix dès 2011. Mais alors, vous rêvez, vous dites, ça n'arrivera pas. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Je dis que la problématique, elle n'est pas là. La problématique, elle est en termes financiers. Il faut trouver un promoteur. Il faut qu'il y ait un promoteur qui prenne en charge donc toute la promotion, toute l'organisation et surtout le risque financier que représente le Grand Prix. Et ça va commencer par là. Donc la difficulté, elle est là. Et je pense que c'est quelque chose qui ne va pas se faire en 3-4 mois. Et je crains que ce soit difficile pour 2011, en étant je dirais, raisonnablement réaliste. Il faut plutôt viser 2012. Okay. Mais pour 2011, si toutes les énergies se mettent ensemble, se réunissent, et qu'il y a vraiment un mouvement... De l'ensemble des personnes et des organismes impliqués, c'est-à-dire bon à la fois le promoteur, la FIA, la FFSA et puis bon également les femmes, parce qu'il y a réellement aussi un prix de plateau, le prix du plateau qui est élevé, qui est je dirais de nos jours décalé par rapport aux réalités économiques et peut-être même aux réalités de la F1 tout court. Donc je veux dire, si on arrive à mettre tous les éléments bout à bout avec des bonnes volontés, pourquoi pas. Mais sincèrement, ça me paraît difficile. D'accord. Serge, vous restez avec nous. Philippe a aussi encore plein de questions à vous poser. On va juste passer la page du flash olympique. Vous savez qu'on se met évidemment à l'heure olympique là, pendant Vancouver. Et comme je vous sens aussi en forme olympique, Serge, vous restez là. On se retrouve dans deux minutes. Bougez pas. On lance tout de suite le flash olympique. Voilà, on revient dans Motor. Serge Saulnier, le nouveau directeur du circuit de Manicourt, toujours en notre compagnie. Et on est en plein débat là par rapport à la place que pourrait occuper Manicourt dans un calendrier de F1. Alors, Philippe Séclier, toujours avec moi aussi, le rédacteur en chef d'Auto Hebdo. Une question à Serge, Philippe. Oui, Serge, en attendant 2011, parce que c'est un petit peu loin, qu'est-ce que tu nous proposes de menu cette année? Alors, cette année, au programme des compétitions automobiles et motocyclistes, les compétitions majeures, alors je dirais même camions, puisque pour la première fois, nous aurons un Grand Prix camion à Manicourt au mois de mai. Donc ça, c'est un événement sur lequel nous comptons beaucoup, parce que nous le faisons en association avec France Route, en tout cas la société d'édition de France Route. Autour de ce Grand Prix camion, il y aura énormément d'animation, donc on compte faire quelque chose d'assez particulier. Et nos partenaires donc de France Route ont un très bon concept, ont de très bonnes idées, puisqu'ils organisent eux-mêmes les 24 heures du Mans camion, et on a beaucoup d'espoir sur ce meeting. Ensuite, nous avons la Super League. Avec la Formule 3 britannique, une manche de la Formule 3 britannique qui viendra à Manicourt. Au mois de juin, nous avons les World Series by Renault. Je crois que c'est le week-end du 20 juin. Donc ça aussi, c'est un événement majeur parce que il attire un public très très nombreux. Il faut savoir que c'est un meeting organisé par Renault qui est gratuit pour les spectateurs. Enfin, je crois qu'ils ont juste à retirer leur place dans une concession. Et en fin de saison, nous avons les super séries FFSA. Voilà. Et en motocyclisme, il y a le Bol d'Or, donc comme maintenant un certain nombre d'années qui se déroule au mois de septembre. Et puis le championnat du monde Superbike. Oui, on en a parlé dans la première heure d'ailleurs, Serge. On a présenté la saison du World Superbike et on était bien content de voir que Manicourt récupérait la dernière manche de l'année, parce que évidemment ça source forcément de suspense et de grandes finales et d'ambiance formidable. Ah ouais, tout à fait. Et c'est un très très bel événement sur lequel il y a un public de plus en plus nombreux tous les ans. Bon, alors moi Serge, la question que je me pose, c'est quoi, c'est votre rôle maintenant, ça va être quoi, du lobbying un petit peu quand même auprès des instances fédérales, qu'elles soient nationales ou internationales? Ça ne sera pas l'essentiel de ma fonction, non, parce que il y a aussi des objectifs en termes de gestion. Bon, comme vous savez, le circuit est géré par une société d'économie mixte, détenue par le département de la Nièvre à hauteur de 65%. Et maintenant, Guy Ligier est rentré dans le capital depuis quelque temps, à hauteur de 33%. Ça signifie quoi, ça, d'ailleurs? Ben, ça signifie que quasiment pour la première fois, il y a un actionnaire privé dans le capital et que cet actionnaire privé, comme dans toute entreprise, même s'il n'est pas venu pour gagner particulièrement de l'argent, en tout cas, il n'est pas venu pour en perdre. Mmh. Et que d'autre part, le département de la Nièvre, il est confronté aujourd'hui, comme toutes les collectivités territoriales, à des problèmes budgétaires. Il y a un transfert de charges important de l'État sur les conseils généraux et régionaux. Vous avez pu en entendre parler ces derniers jours. Et les départements ont énormément de mal à boucler leur budget aujourd'hui. Donc, les différentes sociétés d'économie mixte dans lesquelles ils sont impliqués se doivent d'être gérées comme toute entreprise, c'est-à-dire qu'une entreprise doit gagner de l'argent pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir se développer et pouvoir investir. Donc, ma feuille de route, ma mission, aller de redonner à Magnicourt et à sa société de gestion d'un modèle économique qui correspond à celui d'une société privée. Philippe. Serge, j'imagine que tu souhaites rencontrer très rapidement le nouveau président de la FIA, qui n'est autre que Jean Todt. Alors, oui, je dirais dans les semaines qui suivront ma prise de fonction, bien évidemment. J'espère. Ça peut être un soutien pour toi. Je solliciterai en tout cas un entretien et un rendez-vous avec Jean Todt, ainsi qu'avec le président de la Fédération française du sport automobile, Nicolas Deschaux. Mais est-ce que tu penses que ça peut être un soutien pour toi? Ce sont deux organismes incontournables du sport automobile. Oui, alors Jean Todt, soutien ou pas? Jean Todt, évidemment, ce sera un soutien. Mais il vaut mieux avoir un président de la FIA français qui tient à ce qu'il y ait un Grand Prix de France qu'un président anglais ou chinois ou indien. C'est évident que c'est toujours mieux. Maintenant, il faut savoir aussi que ce n'est pas Jean Todt qui déterminera le montant du plateau du Grand Prix de Magnicourt et qui donnera son aval pour que la F1 revienne à Magnicourt. Mmh. Il aidera, il y contribuera, j'en suis sûr, mais en finalité, ça ne dépendra pas que de lui. Bon, Serge, pour conclure, donc je rappelle, vous êtes nommé président du directoire de la société du circuit de Nevers-Magnicourt. Je pense que tout le monde dira que vous êtes le nouveau directeur quand même du circuit. Après les mirages parisiens, vous avez envie de dire, Magnicourt, c'est la réalité, c'est la seule possibilité pour en tout cas refaire venir la F1 en France. Oui, c'est le message que je veux faire passer. Je pense qu'il faut qu'on arrête de se tirer une balle dans le pied. C'est un peu le sentiment que j'ai eu de l'extérieur, hein, je veux dire, puisque lorsque j'étais team manager chez Peugeot Sport, j'étais absolument pas impliqué dans le circuit de Magnicourt, mais quand je voyais ce qui se passait, je disais mais où on va? On est en train de tous se tirer une balle dans le pied là par rapport au futur du Grand Prix de France. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Donc je crois qu'il faut arrêter de scier la branche de l'arbre sur lequel on est assis et on a tous intérêt à œuvrer dans le même sens, que ce soit Magnicourt, la FFSA, la FIA et je dirais aussi toute l'industrie et les partenaires automobiles français. Tout à fait. Bon, en tout cas, beau programme sportif à Magnicourt cette année, vous nous l'avez rappelé. On vous voit demain à la présentation Peugeot officielle, du coup, alors? Non, on ne verra pas. D'accord. Non, en tout cas, bientôt la nouvelle fonction, en tout cas à partir du 1er mars. Merci Serge Saulnier d'avoir été notre invité. Puis on essaiera de prendre de vos nouvelles régulièrement et de savoir comment ça se passe à Magnicourt. Salut Serge, à bientôt. Bon dimanche, au revoir. Au revoir. Allez Philippe, c'est plié. Tu restes avec moi. Bientôt la dernière page et on va feuilleter ton guide F1 Auto Hebdo qui est vraiment super. À tout de suite. RMC Motors avec Motors TV, Laurent Frédéric Bollet. Philippe Siclier, le rédacteur en chef d'Auto Hebdo, est avec nous jusqu'à 14h. J'ai sous les yeux ce magnifique guide F1 2010. 3,90€, c'est pas cher. C'est donné. Voilà, pratiquement. En tout cas, il est copieux, ce numéro spécial, qui est donc disponible dans les librairies jusqu'à la mi-mars, hein, on est bien d'accord. Oui, okay. Jusqu'au Grand Prix de Bahreïn. Bah oui, voilà, donc c'est très bien. Écoute, je te propose, Philippe, on va feuilleter un petit peu ensemble, et puis comme ça va bien nous mettre dans l'esprit ce qu'on va y trouver. Je fais juste un petit détour par l'encart qui est au milieu, où en fait, on a conservé un peu un numéro de la semaine auto-hebdo avec le rallye de Suède, hein. C'est bien ça, je vois, c'est un petit peu au milieu. Oui, l'idée, c'était de consacrer tout le journal au guide F1 et de récupérer en fait 16 pages pour le rallye de Suède. Il fallait pas oublier l'actualité du rallye et notamment les débuts de Kimi Raikkonen et puis la victoire évidemment de Mikko Hirvonen. Bah ça a été un superbe rallye, hein. Je crois que tout le monde va se féliciter de suivre cette saison. Bah tu sais que c'est aussi sur Motors TV, hein. J'ai eu le plaisir de commenter toute l'action de ce rallye de Suède pour Motors TV. Bah j'ai pris un plaisir immense. Bon, c'est vrai que nous on a bien privilégié les caméras embarquées, d'ailleurs je vais en dire un petit mot juste après, mais après tout, au niveau scénario, c'est bien aussi qu'Hirvonen ait montré, on le savait, mais là c'est clair, c'est un rival exceptionnel pour Sébastien Loeb. Sébastien le dit lui-même, hein, en fait, maintenant, c'est clair que Hirvonen, il est du niveau de Grenoble, et en plus, il ne fait pas de faute. Donc, pour aller le détrôner, ça va être difficile. Je pense que ça sera très intéressant déjà dès le Mexique de voir comment va réagir Citroën et Sébastien. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Hirvonen enchaîne deux victoires, une au Monte Carlo et une en Suède, donc c'est vraiment un très beau début de saison pour lui. Alors sache que sur Motors TV, on a mis sur place sur pied une nouvelle émission, Débriefing WRC. Olivier Kennel a été notre premier invité, c'est une émission au studio où on débat un petit peu, on analyse ce qui s'est passé lors du rallye précédent, et Olivier Kennel nous a dit effectivement que selon lui, Hirvonen est supérieur à Grenoble au moment où Grenoble était l'adversaire de Loeb, parce qu'effectivement, tu l'as dit, il ne part pas à la faute, il est constant, il est fiable. Oui, il est très très fiable et puis en plus il est en train de monter en puissance. On l'a pris un peu au début de sa carrière pour un second couteau et en fait cette montée en puissance qui est la sienne depuis 2 ans prouve que maintenant il est au niveau de Sébastien et que Sébastien va être obligé de toute façon d'aller à la limite de la rapprocher la plus possible pour le battre et dès le prochain rallye, je pense que psychologiquement il ne faut pas que Hirvonen gagne le prochain rallye. Et oui, on est bien d'accord. Alors cela étant, ça a fait plaisir à tout le monde, hein, le retour de Grenoble, même si c'était une apparition qui sera peut-être pas suivie tout de suite d'autres participations. C'est un rallye qu'il adore, qu'il avait gagné à 5 reprises. Nous, on a diffusé une spéciale entière, hein, la fameuse spéciale de Sagen qu'il a d'ailleurs remportée. C'est quand même un grand monsieur, c'est un personnage. Oui, bien sûr. Michel Lizin, notre envoyé spécial, l'un de nos deux envoyés spéciaux, l'a bien rencontré. Et en fait, c'est un peu plus pour le fun. Hein. Il a envie de refaire encore une course, mais il sait que dans ces conditions-là, de toute façon, il est plus au niveau. C'est dire si ça va vite. 2 ans après, c'est son arrêt. Voilà, il est moins dans le coup maintenant, et c'est clair que pour lui, c'est peut-être un petit peu difficile à accepter. Alors d'un Finlandais à l'autre, Kimi Raikkonen, notre star. Alors Michel Lizin ou Éric Briquet, bien sûr, qui intervient sur RMC, l'ont suivi. Michel Lizin surtout. Michel Lizin surtout. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit de cette première expérience véritable pour Kimi Raikkonen? Quel a été leur bilan? Contrairement à ce qu'on peut croire comme ça de loin, en fait, quand on analyse 7 ans, c'est plutôt un très bon début. Faut pas oublier que la Suède, c'est très rapide. La preuve, c'est qu'il est allé dans des murs de neige à plusieurs reprises. Mais il n'a fait que progresser. Et en sachant en plus que Loeb et Hirvonen se battaient vraiment au 1/10 de seconde près, les temps de référence qu'il a prouvent qu'il va être dans le coup peut-être plus vite qu'on ne croit. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le voir pelleter, par exemple, le voir... Eh oui, ça, cette image, elle a vraiment été marquante. Insister pour être au bout du rallye, sachant d'où il vient avec son niveau d'ancien pilote de F1, ça, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'il est très, très motivé et qu'il ne lâchera pas. Et je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle pour le rallye. Bah ouais. Non, mais ça va être une saison formidable. Donc, sur Motors TV, nous, on vous diffuse tous les soirs de spécial, 1 heure d'images, le meilleur de la journée, avec une majorité de caméras embarquées. Ça, je me permets de te dire, c'est vraiment une politique que Motors TV a voulu mettre en place. Alors, c'est vrai, vous faites un article et vous nous reprochez, mais c'est tout à fait amical, bien sûr, que la position des caméras n'était pas idéale en Suède. Mais c'est pas de votre faute, je crois. C'est pas de notre faute, oui. Voilà, on l'a écrit. Tout à fait. On l'a écrit. Le promoteur du rallye, la société anglaise North One, nous a placé. Globalement, il y a 3 caméras embarquées par voiture. Une qui est centrée sur les pilotes, hein, on les voit. L'autre, c'est à l'intérieur de l'habitacle, derrière les casques, on va dire. Donc, on voit le pare-brise. Et puis, la troisième, elle est à l'extérieur de la voiture, genre sur le capot avant. Et c'est vrai qu'en Suède, à cause des conditions météo, parce que tu le sais qu'il faisait pratiquement moins 20 en permanence, et bien ces caméras embarquées extérieures, appelons-les comme ça, ne tenaient pas sur la durée de spécial. Donc c'est vrai qu'on a dû diffuser une majorité de caméras embarquées interne. Et c'est vrai que c'était un peu frustrant parce qu'on ne voyait guère la piste qu'à travers le pare-brise. Mais on nous a promis que ce serait résolu pour le Mexique. Normalement, voilà. Il ne fait pas moins 20 au Mexique. Voilà, donc en tout cas, ça sera bien. Mais ça va être une saison formidable et vraiment, j'imagine que pour toi et pour Auto Hebdo, la Formule 1, bien sûr, peut-être le sport roi, mais le WRC, c'est très important. Oui, d'abord parce que Sébastien Loeb et Sébastien Ogier courent en WRC, mais aussi parce que Sébastien est notre chroniqueur. Faut pas oublier qu'après chaque rallye, il tient une chronique dans l'hebdo. Et puis bon, on a un sextuple champion du monde, ça serait quand même dommage qu'on ne le suive pas. Et puis surtout, je pense que l'événement de l'année, c'est Raikkonen. Oui, c'est sûr. C'est le transfert F1 rallye qui est vraiment très intéressant. Et ce qui va être passionnant, c'est de voir jusqu'où il pourra aller, quelle sera sa progression. Moi, j'attends de voir sur des rallyes un petit peu plus lents. Mm-hmm. Ça sera sans doute un peu plus facile pour lui. Là, il a commencé par le plus dur. Hein, oui, c'est sûr. Oui, exactement. Il ne pouvait pas avoir plus difficile, même s'il est nordique. Mais non, ça ne compte pas à ce niveau-là. Parce que sur la neige, il n'y en a qu'un dans l'année. Et puis, ce n'est pas du tout les mêmes conditions de sensation, de pilotage, en quelque sorte. Quand on vient de la F1, c'est évident. A priori, l'asphalte, c'est là où il devrait être le plus à l'aise. Oui, mais ouais, la terre. Moi, je pense que la terre, ça va être intéressant au Mexique, mais c'est surtout en Jordanie, en Turquie, qui sont censés être des rallyes un petit peu plus lents, même si le nouveau parcours de Turquie, on ne le connaît pas trop, mais voilà, c'est ces deux rallyes qui vont déjà un petit peu poser des jalons pour la suite de sa saison. Dans l'actualité du sport automobile au plus haut niveau, Philippe, demain, présentation officielle du programme Peugeot Sport. Selon tes infos et selon les miennes, voyons voir si on a les mêmes. Est-ce que Peugeot va confirmer sa présence à Sebring ? Oui. Ah ben bien sûr, c'est prévu. Oui, on est bien d'accord. Et à Spa, dans le cadre des championnats Le Mans Series. Est-ce que Sébastien Loeb fera Sebring ? On attend demain. Là, c'est pas certain, mais faut attendre demain. Ça se dit, hein ? Oui, bien sûr que ça se dit. Faut attendre demain. C'est un peu une saison charnière pour lui, donc attendons de voir demain. Voilà, donc c'est demain la présentation officielle. Donc on sait qu'il y aura 3 908 de l'équipe Peugeot au départ du Mans, plus une quatrième chez Oreca. Mais enfin, il faudra compter 4 Peugeot. J'espère juste que le rallye de Suède n'aura pas changé. Oui. Normalement non, mais j'espère juste que le rallye de Suède n'aura pas changé la décision de Seb. Bon, en tout cas, Sebring, ce sera aussi sur Motors TV, mais décidément, on est incontournable. Alors, ce guide est fin Auto Hebdo. Je le feuillette là. Les enjeux de la saison commencent. Alors d'abord, nouvelle maquette. Oui, nouveau format. C'est pas pour le guide, c'est pour l'hebdo maintenant. Oui, oui. D'accord. C'était voilà, on avait une triple difficulté en fait. C'était de sortir le guide le plus vite possible, en sachant que les Formule 1 reprenaient le plus tard cette année, le 1er février. Donc d'où cette date du 17 février pour nous, en étant le plus complet, avec y compris les équipes Lotus et Virgin qui ont roulé au dernier moment, ainsi que Red Bull. Et la difficulté, donc, c'était effectivement de changer de maquette en même temps que de format. On est un petit peu plus petit, mais on a plus de pages. On en a 140 au lieu de 132, et dans les semaines qui viennent, on aura régulièrement 80 pages au lieu de 72. Donc voilà, c'est une façon d'être un peu plus dense, un peu plus news magazine, on va dire. Bah alors c'est ça, hein. Ça fait vraiment news magazine, ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Et puis en même temps, proposer plus de magazines, plus d'interviews, avec une maquette qui est vraiment le reflet de ce que doit être maintenant un magazine. Avec on a dans notre bande ce que je l'ai appelé un peu comme ça dans l'édito, notre Adrian Newey à nous, qui est un jeune directeur artistique, Yvan Le Camus, qui est vraiment un créatif. Et voilà, ça nous a beaucoup aidé pour essayer un peu de booster tout ça. Voilà, oui, effectivement. Combat, as-tu intitulé ton édito, avec le dessin de Fiesman, incontournable, hein, le puzzle de la F1 qui se met en place. Et puis ensuite, bon, le guide commence, et les questions que vous posez avec des articles qui y répondent sont très intéressantes. Le Kaiser, on voit tout de suite qu'évidemment on parle de Michael Schumacher. Peut-il encore régner ? Alonso, va-t-il devenir le numéro 1 chez Ferrari ? Massa, est-il redevenu le Massa d'avant son accident ? Ça, ce sont vraiment des questions essentielles pour la saison, c'est évident. Je pense que c'est les questions en fait que se posent d'abord, avant tout, les lecteurs. Et donc, on essaye toujours de se mettre à leur place. Et c'est les questions essentielles de la saison, évidemment, avec par ordre d'importance le retour de Michael Schumacher. Le transfert d'Alonso chez Ferrari. Il ne faut pas oublier que si Michael Schumacher ne revient pas, l'événement, c'est quand même Alonso chez Ferrari, avec son duo et son duel avec Massa. D'où la troisième question. Est-ce que Massa va revenir à son niveau d'avant son accident ? Et etc, etc. Bah je dévoile pas les réponses qu'apportent Jean-Michel Desnoux et Patrick Camus, mais enfin bon, là, il y a à chaque fois un article. Button, va-t-il se faire bouffer ? Le terme est employé par Hamilton. Tout le monde se pose la question, on est bien d'accord. Surtout Vettel, les Anglais. Ouais, Vettel peut-il jouer le titre mondial ? Moi, il le dit. Hein. Oui, il le dit clairement. Évident, là. Oui. Il le dit clairement, lui, et sachant ce qui s'est passé l'an dernier, et voyant ce que fait déjà la Red Bull RB6, je pense que Vettel sera vraiment à ne pas négliger. Oui. Moi, je crois que ce jeune pilote, il est effectivement exceptionnel. Renault. Par rapport à Vettel, il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il aura un petit peu moins de pression de la part des médias allemands. C'est à vrai. Cause du Kaiser. Oui. Et donc, ça peut faciliter aussi sa tâche. Renault va-t-elle revenir dans le coup? En tout cas, Stéphane Sanson nous a dit tout à l'heure que la deuxième place de Kubica signée dans cette semaine, la RRS, et même si il y a peut-être un petit côté pas sur un long run avec la voiture à plein, malgré tout, c'est encourageant. C'est quand même la conclusion qu'on peut en tirer. Oui, ils sont en train de faire un gros travail de réaménagement et de nettoyage, entre guillemets, de l'écurie après ce qui s'est passé l'an dernier, et notamment l'histoire du crash gate de Singapour et le retrait définitif de Fabio Briatore. Eric Boullier, le nouveau team principal, apparemment a pris le taureau par les cornes. Donc ça, c'est intéressant. On va voir ce que va faire Renault. Peut-être pas Patrick Camus, moi, il m'a dit que c'était pas évident qu'il gagne tout de suite, seront peut-être pas loin du podium assez rapidement. Non, je crois qu'on peut être assez confiant. Et puis, les nouvelles équipes, hein, forcément, il faut en parler. Alors, c'est vrai que là, il y a la photo de Lotus et de Virgin qui sont là, qui roulent. Code d'amour, je pense, pour Lotus, évidemment. Oui. Virgin, bon, en tout cas, au moins, il y a un nom aussi célèbre et puis une voiture qui roule. Bon, en revanche, on n'est pas loin de la cata pour USF1 et Campos. Mais on peut peut-être encore espérer les voir. Campos qui vient d'être acheté, non, oui. À Bahreïn, franchement, c'est impossible. Ouais, quand on voit les déclarations du nouveau team principal, Colès, qui a trouvé une coquille vide, c'est dans 3 semaines, si je me trompe pas, Bahreïn, c'est impossible. Maintenant, est-ce que la FIA va accepter le fait que Campos et USF1 roulent à partir de Barcelone? Moi, je trouve ça, c'est pas très sérieux, quoi. Ça, c'est l'héritage de Max Mosley. Ça a été à un moment la F1 low cost. C'est-à-dire qu'il fallait que ça coûte pas cher. Franchement, la F1 ne mérite pas ce genre d'équipe. Pour ça, il y a le GP3. J'ai rien contre le GP3, le GP2. Mais pour aller en F1, il faut se donner les moyens. C'est comme si on disait à des équipes de moyenne importance en football, vous prenez le championnat au bout de la 20e journée. C'est pas sérieux. Ah ouais. Alors, on rappelle le barème des points qui change cette année en F1, comme en rallye d'ailleurs, qui s'est calqué dessus. 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Les 10 premiers vont marquer des points. Et il y a une petite prime quand même à la victoire, puisqu'il y a désormais 7 points d'écart. Et en pourcentage, ça fait plus que par le passé, notamment l'an dernier où il y avait que 2 points, pour la victoire. Ça c'est semble... plutôt bien. Ouais, c'est plutôt bien. Attention, mais c'est comme en rallye d'ailleurs. Et c'est pour ça que Seb, en Suède, a préféré terminer deuxième que d'abandonner sur une sortie de route. Attention à l'abandon, ça va se payer cash. 25 à 0. C'est comme la victoire en foot à 3 points, alors qu'avant elle était à 2 points. Psychologiquement, c'est toujours dur à assumer. Et donc les premiers Grands Prix vont être très très importants. Stéphane Sanson tout à l'heure avait raison de dire que effectivement la fiabilité va énormément compter et que pour le titre, il faudra marquer des points très très vite. Ouais. Alors il y a un article moi qui m'a bien plu parce qu'il est assez exclusif et l'histoire secrète d'un retour. Donc c'est Sabine Kem qui est l'attachée de presse personnelle. Plus que ça. C'est l'ami et la confidente, la superintendante maintenant puisqu'elle s'occupe maintenant de ses contrats commerciaux pour Michael Schumacher. Et en fait c'est une histoire un peu étrange parce qu'en fait j'ai revu Sabine Kem que je connaissais un petit peu il y a l'an dernier pour un hors-série Ferrari. D'accord. Qu'on a fait et on lui avait demandé à cette occasion qu'on puisse avoir une interview de Michael Schumacher et à l'époque où il était encore chez Ferrari pour parler des Ferrari de route. Oui. Et il se trouve qu'il y a pas longtemps Patrick Camus et moi on l'a relancé pour essayer de faire en sorte qu'elle nous raconte ce qui s'est passé depuis 2006 et non pas depuis cet hiver. Oui, depuis sa retraite en fait. Voilà, sa retraite. Et le texte, il est vraiment incroyable parce qu'on a l'impression d'être dans une pièce enfermée avec Sabine et Michael Schumacher. C'est vrai. Et d'avoir un petit peu tous les états d'âme de ce grand champion avec tout d'un coup le soulagement d'être à la retraite et puis tout d'un coup cette espèce de passion qui revient comme ça, de cette envie de reprendre le volant et qui s'est d'une part d'abord qui a été symbolisée par le vrai faux retour l'été dernier quand il y a eu l'accident de Felipe Massa. Souvenez-vous, Michael Schumacher devait revenir et puis pour des problèmes physiques il n'a pas pu et il se trouve qu'ensuite je crois que s'il n'y a pas l'accident de Massa et elle le dit très bien, s'il n'y a pas l'accident de Massa, Michael Schumacher ne revient pas cette année. Oui. C'est-à-dire que cette espèce de frustration qu'il a eue comme ça au mois d'août a fait que quand Ross Brawn, qu'il connaît bien puisque c'était évidemment l'ancien directeur technique de Ferrari. Quand Ross Brawn l'a contacté à la fin de l'année en lui disant que son équipe allait être rachetée par Mercedes, c'est clair que là, il y a eu un déclic dans sa tête et c'est pour cela qu'il est, il sera au départ de la saison formidable. En 20 secondes, Philippe, article formidable également. Il était une fois Jenson Button. On est allé voir là où Jenson Button a grandi. Oui, Jean-Michel Denoux est allé passer 3 jours avec un photographe anglais sur les traces de Jenson Button avant qu'il soit connu. Et là, on est au fin fond de l'Angleterre. C'est vraiment très intéressant. Ça sent la brique, ça sent le froid, le brouillard anglais. On est loin des stars de la Formule 1, mais c'est comme ça qu'on construit une carrière aussi. Voilà, les premières phrases. Un hameau endormi, c'est là que débute notre quête. Lieu dit d'une dizaine de maisons perdues au cœur de l'Angleterre profonde, Upper Vobster repose sous la neige. Le fond de l'air est glacial, mais pas autant que l'accueil des habitants. Et c'est pourtant là qu'on va mener l'enquête pour en savoir plus sur Jenson Button. Non, excellent article, franchement. Bon, bah, il y aurait encore plein de choses à dire, Philippe, mais en tout cas, je ne peux que conseiller de vous procurer ce guide F1 2010 Auto Hebdo, 3,90€, en vente pendant encore un mois. On y sait tout et on apprend plein de choses. Merci Philippe en tout cas d'être passé. Et puis il y a la présentation complète des équipes et des pilotes. Avec les photos, les palmarès, et puis ce qu'on pense des pilotes. Tiens, Michael Schumacher, 5 volants, ça veut dire c'est la cote maximale. Mais il n'est pas le seul à en avoir 5. Non, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Nico Rosberg, tiens que 4. Bon, on verra. Mais bon, allez, vous avez noté. Il y aura des surprises, comme toujours. Allez, ainsi se termine ce numéro de Moteur sur RMC. Dimanche prochain, c'est l'excellent et immense Jean-Luc Roy qui aura le plaisir de vous présenter un nouveau numéro de Moteur. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt.